On ne sait pas ce que sera demain. L'amour se perd un peu chaque matin. Le chagrin qui passe, le bonheur qui vient, ou bien la solitude à deux jusqu'à la fin. Ne t'en fais pas, y a que toi dans mon cœur. Je ne veux pas aller chercher ailleurs, pas un seul jour, un autre amour que toi. Ne t'en fais pas, je ne vois que tes yeux, et grâce à toi, il m'arrive d'être heureux. Jamais tu sais, je ne te quitterai. Même si la vie un jour nous a blessés, on ne peut pas toujours vivre caché. Garde confiance, je sais déjà que j'ai vraiment de la chance d'être avec toi. Ne t'en fais pas, y a que toi dans mon cœur. Je ne veux pas aller chercher ailleurs, pas un seul jour, un autre amour que toi. Ne t'en fais pas, je ne vois que tes yeux, et grâce à toi, il m'arrive d'être heureux. Jamais tu sais, je ne te quitterai.